Selon la radio CBS de Corée du Sud, en date du 4 août, le tribunal de première instance de Gwangju a décidé d'interdire la parution et la distribution des mémoires du traître Chun Doo-hwan, qui a nié complètement le crime du grand carnage de Gwangju. Rappelons que ces mémoires dénaturent le soulèvement populaire de Gwangju comme révolte et insurrection, prétendent l'intervention d'une troupe spéciale du Nord dans l'incident de Gwangju, ni le tir sur les participants au soulèvement par les hélicoptères et l'armée d'alerte, ce qui provoque une réaction violente dans tous les milieux de la société sud-coréenne.